audiocité.net. Aristippe ou De la Cour par Jean-Louis Guèze de Balzac. Lu par Alain Bernard. Illustration musicale Sonata Gavotta de Scarlatti, licence Musopen. Publication 1664. Avant-propos. L'année 1618, monsieur le landgrave de Hesse, aïeul de monsieur le landgrave d'aujourd'hui, fit un voyage aux eaux de Spa, qui lui avait été ordonné par les médecins à son retour, se trouvant sur la frontière de France, ayant su que monsieur le duc d'Espernon était en sous-gouvernement de Metz, il eut envie de voir un homme dont l'histoire lui avait tant parlé. Il avait appris d'elle que la vertu avait élevé cet homme et que la fortune ne l'avait pu abaisser, que ses disgrâces avaient été plus glorieuses et plus éclatantes que sa faveur, qu'il eut la force de résister à un parti qui faillit à renverser l'État, et qu'il mérita les bonnes grâces d'un roi auquel il ne manquait rien que d'être né en un meilleur siècle. Monsieur le landgrave, touché d'admiration d'une si longue et si durable vertu, jugea cet illustre vieillard digne de sa curiosité et lui fit l'honneur de le venir visiter à Metz. Par malheur, la goutte le prit le lendemain qu'il y arriva, et, quoiqu'elle eût accoutumé de le traiter assez doucement, étant plutôt un repos forcé qu'une véritable douleur, il fallait pourtant la recevoir en malade et garder le lit tant qu'elle durait. Cette attache le retint plus qu'il ne pensait, en un lieu où, sans cela, il ne se fût pas ennuyé. Elle nous donna aussi le moyen de le considérer de plus près. Comme il était prince, qui aimait les lettres, il employait les heures de son loisir, et les intervalles même de ses mots, ou à lire les bons livres, ou à s'entretenir avec les savants qui les entendaient. Alors, il y en avait un près de son Altesse, dont elle faisait une estime particulière, et qui, en effet, n'était pas un homme commun. D'ordinaire, elle l'appelait son Aristippe, et quelquefois, son sage savant, pour expliquer le nom d'Aristippe qu'elle lui avait donné. C'était un gentilhomme de jugement exquis et d'expérience consommée, catholique de religion, français de naissance et originaire d'Allemagne. Âgé de 55 ans ou environ, il avait le don de plaire et savait l'art de persuader. Il savait de plus la vieille et la nouvelle cour, et, ayant observé dans plusieurs voyages qu'il avait faits les mœurs et le naturel des princes et de leurs ministres, on trouvait en lui un trésor des choses de notre temps, outre les autres connaissances qu'il avait puisées dans l'Antiquité et acquises par la méditation. Je fus si heureux que de faire d'abord amitié avec lui. Il me présenta à M. Landgrave et du bien à de moi toute la cour. Il fit même trouver bon à son Altesse que j'assistasse aux conversations qu'ils avaient ensemble à l'issue de son dîner. En partant d'Allemagne, ils avaient choisi Corneille, Tacite, pour être le compagnon de leur voyage, et ne s'en étaient pas mal trouvés. Ils les avaient divertis à Spa et par les chemins, et lorsqu'ils arrivèrent à Metz, ils en étaient au commencement de l'empire de Vespasien. Aristippe était le lecteur et l'interprète. Après avoir lu, il faisait des réflexions sur les choses qu'il venait de lire, quelquefois en peu de mots, et passant légèrement sur les choses, quelquefois aussi en s'y arrêtant, et par des discours assez étendus, selon que la matière le désirait ou que M. le landgrave l'exigeait de lui. Il y avait plaisir à ouïr un philosophe parler de la cour, et si ce sophiste, qui se rendit ridicule devant Hannibal, n'eût pas plus mal parlé de la guerre, je m'imagine qu'Hannibal ne se fût pas moqué de lui. Les affaires publiques sont souvent sales et pleines d'ordures. On se gâte pour peu qu'on les touche, mais la spéculation en est plus honnête que le maniement. Elle se fait avec innocence et pureté. La peinture des dragons et des crocodiles, n'ayant point de venin qui nuise à la vue, peut avoir des couleurs qui réjouissent les yeux. Et je vous avoue que le monde qui me déplaît, tant en lui-même, me semblait agréable et divertissant dans la conversation d'Aristippe. En cette conversation, habile et savante, comme dans une tour voisine du ciel et bâtie sur le rivage, nous regardions en sûreté l'agitation et les tempêtes du monde. Nous étions spectateurs des pièces qui se jouaient par toute l'Europe. Aristippe nous faisait les arguments de celles qui se devaient jouer, et sa prudence, tant acquise que naturelle, sachant tout le passé et tout le présent, nous apprenait encore quelques nouvelles de l'avenir. J'étais attaché à sa bouche depuis le commencement de la conversation jusqu'à la fin, et je l'écoutais avec une attention si peu divertie qu'il ne m'échappait pas un seul mot de ce qu'il disait. Mais pour faire place à ce qu'il devait dire le lendemain, étant retiré en ma chambre, j'écrivais le soir des discours que j'avais ouïs l'après-dîner et me déchargeais sur le papier d'un fardeau de perles et de diamants, comme les appelait le bon monsieur Coffeteau, à qui je les communiquais tous les matins. En ce temps-là, j'avais autant de sujets de me louer de la fidélité de ma mémoire que j'ai raison de me plaindre des supercheries qu'elle me fait aujourd'hui. Sénèque, le père, compte des miracles de la sienne dans la préface de ses controverses. Je ne vais pas si avant que lui, et ne veux rien avancer de moi, qui sente le charlatan. Mais s'il est très vrai que l'année même des conversations d'Aristippe, ayant été un sermon qui dura 2 heures, je l'écrivis tout entier, à mon retour de l'église, véritablement sans m'assujettir aux paroles avec scrupule, mais aussi sans perdre quoi que ce soit de la substance des choses. Il y a encore des témoins de ce que je dis. J'en puis nommer d'éminentes qualités, qui sont pleins de vie, et personne ne doit trouver étrange qu'après un effort de mémoire, qu'on crut n'être pas petit, je me sois souvenu de 7 discours de médiocre grandeur qu'Aristippe fit 7 jours de suite. Une ligne de l'histoire de Vespasien lui servit de texte pour commencer, et les prières de M. le Landgrave l'obligèrent à ne pas finir si tôt. De parler du mérite des discours, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Je ne veux point alléguer l'approbation qu'ils ont eue, de ça et de là, les mots. Il me suffira de dire qu'ils ont été lus par ceux qui corrigent les édits et les ordonnances, et que M. le cardinal de Richelieu, les ayant portés avec lui en Italie, me les rendit à Paris, au retour du fatal voyage de Lyon. Ce fut non seulement avec des paroles très civiles, mais aussi avec des notes très obligeantes, dont il borda les marges du manuscrit. Voilà ce qui me plaît. Il ne se peut rien de plus joli. Ceci se peut dire beau. Je sais bien de qui il entend parler, etc. Ces sortes de marques qu'il avait accoutumé de faire sur les compositions d'autrui sont connues de ceux qui le voient dans la vie secrète et qui étaient reçus en son cabinet aux heures de ses divertissements. Tant il y a que son éminence eut la bonté de me rien prendre pour soi de tout ce qu'elle lut dans les 7 discours. Elle distingua les temps et les lieux et me fit la grâce de considérer que quand Aristippe parlait à Metz, elle était encore M. de Luçon, et que M. de Luynes n'était pas encore contestable. Mais il n'est pas temps de raconter les aventures des discours, elles ne sont pas encore finies, et qu'il leur reste un voyage à faire aux dernières parties du Septentrion. Leur éloge, non plus, ne doit pas être tiré du témoignage qu'on a rendu d'eux en France et en Italie. Il faut l'attendre du jugement qu'en fera la reine, à laquelle je les envoie en Suède. Étant éclairée au point qu'elle l'est, elle les connaîtra mieux par leur montre que par le rapport d'autrui, et présupposé qu'elle les désire, il vaut mieux contenter d'abord sa curiosité que de lasser sa patience dans une longue préface. N'apportons point tant de façons à notre présent, et faisons paraître Aristippe devant elle, le plus tôt que nous pourrons. Ne nous amusons point à inutiles les dialogues, le plus souvent il embarrasse le nécessaire, il se perd trop de temps aux civilités et aux compliments. Au bonjour et au bonsoir. J'ai cru qu'il serait bon de retrancher toutes ces superfluités et d'apporter ici les choses pures et simples, comme je les conservais avec soin dans mes papiers, après les avoir recueillis avec plaisir de la bouche d'Aristippe. Mais avant que de passer outre, il n'y aura point de mal de faire ce que ferait Aristippe s'il était au monde et qu'il fût lui-même son historien. Ayant commencé par un nom qui portera bonheur à notre volume, sans différer davantage. Rendons-lui les hommages qui lui sont dus. La vertu de Christine mérite quelque chose d'extraordinaire, mais le temps présent est pauvre pour une telle reconnaissance. Il faut lui chercher les honneurs dans la vieille Rome et au pays des triomphes. Et pourquoi ne renouvellerons-nous point en cet endroit l'ancien usage des acclamations, qui étaient des triomphes de tous les jours? Il ne demande point de pompe comme les autres, et la dépense s'en peut faire par la pauvreté. Si cela est, s'il approuve mon livre, où il sera assuré de l'approbation publique, où il n'en aura pas besoin. Mais il ne faut pas faire ce tort au public de croire qu'il puisse être de notre avis que Christine. Le monde ne voudrait pas déplaire à une personne qui lui fait tant d'honneur et qui l'embellit si fort, en contredisant la même personne qui juge si sainement et qui opine si bien. Aristippe, discours 1, page 120. C'est une opinion singulière de certains philosophes affirmatifs que le sage n'a besoin de personne et que tout ce qui est séparé de lui ne lui sert de rien. Par là, ils ôtent l'amitié du nombre des choses nécessaires et lui donnent rang simplement parmi celles qui sont agréables. Et néanmoins, de plus honnêtes gens qu'eux, je veux dire les philosophes de la famille de Platon et de celle d'Aristote, ont cru que sans l'amitié, la félicité était imparfaite et défectueuse, et la vertu faible et impuissante. Ils ont dit que les amis étaient les plus utiles et les plus désirables des biens étrangers. Ils les ont considérés non pas comme les jouets et les amusements d'un sage en peinture, mais comme les aides et les appuis d'un homme du monde. Il n'y a que Dieu seul qui soit pleinement content de soi-même, et de qui il faille parler en termes si hauts et si magnifiques. Il n'y a que lui qui, étant riche de sa propre essence, jouisse une solitude bienheureuse et abondante en toutes sortes de biens. Lui qui puisse opérer sans instrument, comme il agit sans travail. Lui qui tire tout du dedans de sa nature, parce que les choses en sont sorties de telle façon qu'elles ne le laissent pas d'y demeurer. Les hommes, au contraire, ne peuvent ni vivre, ni bien vivre, ni être hommes, ni être heureux, les uns sans les autres. Et ils sont attachés ensemble, par une commune nécessité de commerce. Chaque particulier n'est pas assez de n'être qu'un, s'il n'essaie de se multiplier en quelque sorte par le secours de plusieurs. Et à nous considérer tous en général, il semble que nous ne soyons pas tant des corps entiers que des parties coupées que la société réunie. Les offensés demandent justice, les faibles ont besoin de support, les affligés de consolation. Mais tous ont universellement besoin de conseils. C'est le grand élément de la vie civile. Il n'est guère moins nécessaire que l'eau et le feu. Et les deux moyens d'agir que la nature nous a fournis se rapportent à cette fin. La raison et la parole nous ayant été données principalement pour le conseil. Les bêtes sont emportées par la subite impétuosité de leur naturel et par la présence du premier objet. Les hommes se conduisent par la délibération et par le discours. Ayant le don de chercher et de choisir, ils peuvent passer d'abord du présent à l'avenir, et du premier au second, pour s'y arrêter, s'ils s'y trouvent bien. Les pirates se servent de conseils, le conseil est en usage parmi les sauvages, à plus forte raison parmi les peuples civilisés. Mais partout, il faut que les sages l'empruntent d'autrui, parce que leur sagesse leur doit être suspecte aux choses qui les regardent. L'homme est si proche de soi-même qu'il ne peut trouver d'entre deux ni d'espace libre pour le débit du conseil qu'il se veut donner. Il ne saurait empêcher que les deux raisons qui délibèrent en lui ne se confondent dans la communication, celle qui propose étant trop mêlée avec celle qui conclut. Il faut donc que celui qui conseille soit une personne à part et distincte de celui qui est conseillé. Il faut qu'il y ait une distance proportionnée entre les objets et les facultés qui en jugent. Et comme les yeux les plus aigus ne se peuvent voir eux-mêmes, aussi les jugements les plus vifs manquent de clarté en leur propre intérêt. Quelques connaissances naturelles que nous ayons et quelques lumières qui nous viennent de plus haut, nous ne devons point rejeter les moyens humains ni mépriser ce surcroît de raison et ce plus grand éclaircissement de vérité qui se tire de la conférence. Reconnaissons l'imperfection de l'homme, séparé de l'homme, et l'avantage qu'a la société sur la solitude. Puisque l'ami de Dieu et le conducteur du peuple de Dieu, bien qu'une nuée miraculeuse marchât le jour devant lui, bien que la nuit, une colonne de feu, fît la même chose, et qu'elle se posasse au lieu où il fallait camper, ne laissa pas de prendre un guide pour s'en servir aux autres difficultés qui pouvaient survenir en son voyage. Y aura-t-il quelqu'un après cela qui ne demande des guides et qui ne cherche des aides, qui se fiera de telle sorte aux avantages de sa naissance? Qu'il s'endormira si négligemment sur les faveurs qu'il attend du ciel, que de s'imaginer que l'assistance d'autrui lui soit inutile, que de croire que sa seule fortune et sa seule sagesse lui suffisent pour bien gouverner et pour bien conduire. Ceux qui se sont élevés au-delà de la commune condition des hommes, ils sont montés par quelques degrés. Ce n'est pas le hasard qui les a jetés au-dessus des autres. Ce n'est pas aussi leur vertu qui a tout fait. Les services de quelqu'un se rencontrent ordinairement parmi les merveilles de leur vie, et il est visible par la suite de tous les temps que les princes qui ont le plus gagné sont ceux qui ont été le mieux secondés. De tant d'exemples dont il y a foule dans les histoires, je ne veux que celui sous lequel nous arrêtâmes hier et qui obligea son Altesse à me faire parler aujourd'hui. Vespasien avait vécu sous la tyrannie et s'était sauvé par miracle des mains de Néron. Mais il ne se contentera pas de son propre salut après la mort de ce monstre. Il prit du cœur et entreprit davantage pour le bien public. Voyant que d'autres Nérons menaçaient le monde et que de nouveaux monstres se déchaînaient, il se hasarda de conserver le monde en se saisissant de l'Empire. Il embrassa la protection du peuple romain, dont la fleur était presque toute tombée, par le glaive ou par le boisson. Et le demeurant s'épuisait chaque jour à remplir les îles et les cachots. Il en fut pourtant demeuré à sa bonne volonté et à ses bonnes intentions. Il eut vu achever d'éteindre toutes les lumières du Sénat et périr la République devant ses yeux, sans les puissantes sollicitations et les vives poursuites de Mucien, qui lui mit, comme par force, la couronne sur la tête et le fit empereur en dépit de lui. Il ébranla premièrement l'esprit de Vespasien, qui se tenait aux choses présentes, bien qu'il ne les approuvât pas, et n'osait être auteur du changement qu'il désirait. Et après l'avoir jeté dans l'irrésolution, il le pressa de tant de raisons et le combattit de tant d'éloquence qu'il fut à la fin contraint de faire le reste du chemin et de s'engager dans la cause publique par une ouverte déclaration. Or, il est besoin de savoir que ce Mucien n'était pas homme à n'apporter dans un parti que de belles paroles et de bons désirs. D'abord, il fortifia Vespasien d'hommes et d'argent. Il lui acquit des provinces et lui amena des légions. Il n'épargna point sa personne quand il crut qu'il fallait payer de la vie et voulut être l'exécuteur de la plupart des choses dont il avait été le conseiller. Les princes affaires ne peuvent se passer de ces gens-là, et les princes faits en ont grand besoin. Il n'y a jamais eu de si fort qui, de sa seule force, ait pu porter le fait de tout le gouvernement. Il allait pu porter le fait de tout le gouvernement. Jamais eu de si jaloux de son autorité qui ait pu régner tout seul et être véritablement monarque, à prendre le mot, dans la rigueur de sa signification. Aussi, est-ce un jeu, une invention des platoniciens, pour flatter leur royauté et la mettre au-dessus de la condition humaine, de dire que Dieu donnait deux esprits au roi pour bien gouverner. Platon se joue souvent de la sorte. Il philosophe poétiquement et mêle la fable dans la théologie. Ce double esprit est de sa façon. Et il faut encore mieux l'expliquer de l'esprit du roi et de celui de son confident que d'avoir recours au miracle, qu'il ne faut employer qu'en cas de nécessité, non, pas même pour l'honneur et pour la gloire des rois. Il est certain qu'ils ont un fardeau si disproportionné à la faiblesse d'un seul que, s'il ne s'appuie sur plusieurs, il ferait une chute dès le premier pas qu'il voudrait faire. S'ils n'appelaient leurs amis à leur secours, et s'ils ne divisaient la masse du monde, ils seraient bientôt punis de la témérité de leur ambition et accablés de la pesanteur de leur fortune. La multitude des soins qui leur viennent de toutes parts ne leur laisserait pas la respiration libre. La foule des affaires les étoufferait à la première audience qu'ils voudraient donner. Il y a divers degrés de serviteurs qui trouvent tous leur place dans l'administration de l'État. Il y a des esprits d'une médiocre capacité qui défrichent, qui préparent, qui entament les affaires. Ils sont bons à commencer la besogne. Ils font les chemins et ôtent les difficultés qui sont à l'entour des choses. Le prince met ses esprits à tous les jours et se décharge sur eux des plus grossières fonctions de la royauté. Il y a d'autres esprits d'une plus haute élévation, à qui il peut fier de plus importants emplois et donner une plus noble part en ses desseins. Ceux-ci gouvernent sous lui et avec lui, et ne sont pas mauvais pilotes dans les saisons douces et sur les mers peu agitées. Mais que le prince est heureux et que le ciel l'aime s'il se rencontre en son temps des esprits de premier rang, des âmes égales aux intelligences, en lumière, en force, en sublimité, des hommes que Dieu crée exprès et qu'il envoie extraordinairement pour prévenir ou pour forcer les maux de leur siècle, pour empêcher ou pour calmer les orages de leur patrie. Ce sont les anges tutélaires des royaumes et les esprits familiers des rois. Ce sont les seconds des Alexandres et des Césars. Ils soulagent le prince dans ses grands travaux. Ils partagent avec lui les salutaires inquiétudes sans lesquelles le monde n'aurait point de tranquillité. Si, dans les états où nous vivons, nous avons de ces gens-là, bénissons leurs veilles, qui sont si nécessaires au repos public, et sous la protection desquelles nous dormons sûrement et à notre aise. Ces excellentes veilles ne seraient-elles point cause, Monseigneur, que les poètes grecs ont donné à la nuit le nom de sage et de conseillère? Je viens de me l'imaginer, et les grammairiens donnent bien, quelquefois aux poètes, des explications plus éloignées. Les poètes, votre Altesse le sait mieux que moi, ont été les plus anciens précepteurs du genre humain. Ils lui ont enseigné les premiers principes de la politique et de la morale. Ici donc, comme ailleurs, ils ont découvert et marqué du doigt la vérité. Les philosophes l'ont depuis étalée et mise en son jour. Ayant reconnu cette nécessité de société et ce défaut qui se trouve dans la solitude, outre leur Jupiter conseiller et leur Minerve conseillère, outre les dieux et les démons dont ils ont accompagné leurs héros, ils leur ont encore donné des hommes pour les assister dans leurs entreprises ou d'autres héros pour entreprendre et pour agir avec eux à mesure qu'Hercule coupe les têtes de l'hydre, Jolas y applique le feu afin de les empêcher de renaître. Diomède ne fait rien sans Ulysse. Les actions d'Agamemnon naissent des conseils de Nestor, et ce prince, ayant à faire un souhait qui comprenne tous les autres, ne désire ni de plus puissantes forces que les siennes, ni des richesses qu'il n'avait pas, ni la destruction de l'empire d'Asie, ni l'accroissement de celui de Grèce, mais seulement 10 hommes qui fussent semblables à Nestor. Agamemnon nous montrant par là que, dans la crainte qu'il avait de perdre Nestor, vu l'extrême vieillesse où il était, il appréhendait de manquer de gens pour mettre en sa place. Et Homère, ne faisant voir que Nestor ne peut quelquefois trouver en un siècle, mais que 10 Nestors ne se peuvent que souhaiter, ce souhait n'a point fait de tort à la bonne renommée d'Agamemnon. La Grèce ne lui a point reproché de s'être laissé gouverner à Nestor. Pour cela, le roi des rois n'a pas été estimé moins sage, ni moins digne de la souveraine autorité. Au contraire, c'est un axiome dans la politique qui passe pour une proposition d'éternelle vérité et qui est aussi vieux que la politique même, qu'un prince malhabile ne saurait être ni bien conseillé, ni bien servi. Que si recevoir conseil présuppose quelque avantage du côté de celui qui le donne, l'infériorité de la part de celui qui le reçoit ne laisse pas d'avoir son mérite. Il est à son tour le supérieur. Il reprend la première place quand il met la main à l'œuvre et que, par l'exécution des choses délibérées, il change les règles en exemples et les belles paroles en bons effets. Car, quoi qu'on ait dit autrefois à Rome, que Lélius était le poète, que Scipion était l'acteur, et qu'il soit vrai que celui qui compose les vers agit plus noblement que celui qui les récite. Et il n'est pas pourtant vrai que la personne qui exécute des entreprises glorieuses produise une opération moins relevée que celle qui seulement les conseille. Le conseiller ne conserve son avantage que dans les commencements des choses, mais il les perd dans l'événement. Et dans les commencements même, il ne l'a pas tout entier. Celui qui est conseillé ne demande pas inutile et sans mouvement, tandis que dure l'action de celui qui le conseille. La nature semble nous montrer ce que nous disons, et en a formé je ne sais quel crayon dans l'âme de l'homme, ou l'intellect, qu'on nomme patient, et qui est le siège de la doctrine, quoiqu'il soit éclairé par la lumière de l'intellect qui agit, ne souffre pas néanmoins de telle sorte que de son chef aussi il agisse. Il juge de la connaissance qu'il a reçue. Il tourne, il remue, il déplie, il étale en lui-même cette connaissance. Après l'avoir comparé aux autres, il en recueille des conséquences et des conclusions. Et ainsi, on peut dire qu'il travaille en compagnie. Et s'il pâtit, c'est de la plus belle espèce de passion qui ne gâte et que ne corrompt pas, comme celle d'une plaie ou d'une brûlure, mais qui achève et qui perfectionne, comme celle de l'illumination en l'air et de la réception des images dans les yeux. Parlons moins subtilement et d'une manière populaire. Concluons qu'il est nécessaire d'avoir des mains pour s'aider inutilement des outils, et d'avoir de la prudence pour user comme il faut de celle d'autrui. La sagesse elle-même est irrésolue et peu assurée quand elle manque d'approbation et qu'elle est réduite à son propre témoignage. Le raisonnement concerté ne nuit point à la première appréhension que nous avons de la vérité des choses. Et notre Aristote dit là-dessus que le sel ne fait point de mal aux poissons de mer et que l'huile assaisonne les olives. Le courtisan étourdi est intéressé, met toutes les affaires en désordre et ruine au lieu d'édifier. Mais le ministre sage et fidèle, qui divise également son affection entre le roi et l'État, rend de très grands services à l'un et à l'autre, et se peut dire, à mon avis, avec raison, le tempérament de la puissance d'un seul est le bien commun de la République. Mais mon opinion particulière serait peu de chose, et n'aurait pas assez de force pour former et conclure ce discours, si je ne la confirmais par la reconnaissance publique envers des personnes si utiles au bien général du monde, et par les preuves éclatantes d'affection et d'estime que les princes ont rendues eux-mêmes à la sagesse et à la fidélité de leurs ministres. Je laisse la Grèce où ils ont régné avec les rois. Je laisse la Perse où les rois ont régné par eux, et où ils étaient nommés les yeux du roi, c'est-à-dire, comme l'explique un excellent homme, les yeux du roi, toujours ouverts et toujours veillants pour le salut du royaume, qui regarde en même temps, devant, derrière, à droite et à gauche. Je m'arrête à Rome, où les empereurs, voulant corriger l'amertume qui se trouve dans les mots de servitude et de sujétion, ont honoré pareils serviteurs du titre d'amis. Ils les ont appelés leurs compagnons, quelquefois les compagnons de leur peine, les compagnons de leur guerre et de leur victoire, et ont même trouvé bon que le peuple les appelât ainsi. Ils ont fait ériger des statues vis-à-vis des leurs. Ils les ont fait dépositaires de leur épée, avec permission de s'en servir contre eux-mêmes, si le bien de l'État le requérait, et s'ils se rendaient indignes de leur puissance. Ils ont fait battre la monnaie, où était l'image d'un général de leurs armées, et ces paroles, alentour, bénissèrent la gloire des Romains. Et on voit encore aujourd'hui une médaille d'argent, d'un côté de laquelle est représentée la figure d'un Valentinien, et de l'autre côté celle d'un de ses sujets, assis dans la chaire consulaire, tenant des papiers en la main droite et en la gauche un bâton avec un aigle perché dessus. On peut voir aussi dans l'histoire d'Auguste ce superbe monument consacré à la mémoire d'un grand ministre, à Misité, le père des princes et le tuteur de la République. L'inscription est singulière et la qualité du père du prince n'est pas commune en ce temps-là, le siège de l'Empire n'ayant pas encore été transféré de Rome à Constantinople. Car après que cela fut, cette qualité fut comme érigée en titre d'office, et on appelait vulgairement ceux qui avaient la principale direction des affaires les pères de l'Empire et de l'Empereur. L'histoire écrite depuis Constantin ne parle d'autre chose que de cette dignité patricia. La poésie même ne s'en est pas tue. Et il y a encore des vers moqueurs que fit le poète Claudien contre l'eunuque Eutropius, consul et patrice de l'Empire. Sa chute est célèbre dans les livres de ce siècle-là, et saint Jean Chrysostome en a fait une homilie presque tout entière. Les vers moqueurs marquent particulièrement la confiscation de son bien, et en voici le sens à peu près, si ma mémoire ne me trompe. Sur quoi, me ressouvenant que la croix de Jésus-Christ avait pris la place des aigles romaines, et qu'alors les empereurs étaient devenus domestiques de la foi et membres de l'Église, d'étrangers et de persécuteurs qu'ils étaient auparavant, j'ai pensé qu'ils pouvaient avoir emprunté ce terme en des lettres saintes et du discours du patriarche Joseph. Ce grand ministre se glorifie dans la Genèse que Dieu l'a donné pour père à Pharaon, quoique peut-être il fût plus jeune que lui, et qu'il a été établi prince de toute la maison royale et seigneur de tout le pays d'Égypte. Et les mêmes lettres saintes nous apprennent, un peu devant, que Pharaon tira sa bague de son doigt et la mit en celui de Joseph, qui le fit monter sur un chariot de triomphe, qui fit faire commandement par un cri public, que tout le monde se prosterna devant lui, qui lui dit en pleine et générale assemblée, « Tu es ne plus, ne moins que Pharaon, et je n'ai rien que mon nom, et mon trône plus que toi. » Il ne se peut rien ajouter à un si illustre témoignage du ressentiment d'un prince bien conseillé. Et je vous prie, qu'y a-t-il à dire et à s'imaginer après cela? Vous voyez que la plus haute idée que j'avais pu concevoir de la dignité du ministère est autorisée par le plus ancien de tous les exemples de cette nature. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin dans l'histoire. Je vous avoue, monseigneur, que je sens quelques tentations de vaine gloire de ce qu'un grand prophète m'explique par la bouche d'un grand roi. Discours numéro 2. Cette vérité établie que les rois ne sauraient régner sans ministre, il est presque aussi vrai qu'ils ne sauraient vivre sans favori. Le bien ne s'arrête pas au lieu de sa source, il veut couler et s'épandre, et ce n'est qu'un bien commencé s'il ne croît par la communication et s'il ne s'achève en se dilatant. Mais ajoutons quelque chose de plus étrange et d'aussi certain. On nous a assuré, il y a longtemps, de la part de la raison, que si un homme était tout seul dans le ciel, et qu'il ne fût pas en sa puissance d'en faire part à un autre, il s'ennuierait de sa propre félicité et voudrait descendre du ciel en terre. Je dis donc, sur ce fondement, que les plus sages princes qui soient au monde, que les Augustes et les Antonins, s'ils y revenaient, que les Constantins et les Théodos, peuvent avoir de légitimes affections et aimer raisonnablement celui-ci plus que celui-là. Que ce soit votre peuple qui soit votre favori. Cet avis fut donné autrefois à un grand prince, mais par un philosophe un peu trop sévère. De défendre au roi le plus doux usage de la volonté et de les dépouiller de la plus humaine des passions, ce serait être tyran des rois et ne leur permettre pas qu'ils fussent hommes. Ce serait les lier à la grandeur de leurs conditions et les clouer sur le trône. Quelle rigueur de vouloir qu'ils n'apparaissent jamais sous une forme semblable à la nôtre, qu'ils ne puissent jamais se défaire d'une gravité qui les incommode. Est-ce un crime d'avoir un confident dans la compagnie duquel on vienne chercher du repos après le travail et des divertissements après les affaires? La vertu n'a garde d'être austère et farouche à ce point-là. Elle ne détruit pas la nature, elle en corrige seulement l'imperfection. Elle sait rendre justice, mais elle sait aussi faire grâce. Elle donne rang dans la charité à qui que ce soit. L'étranger y est reçu comme l'hôte et le barbare comme le grec. Mais elle réserve l'amitié pour le petit nombre, elle n'épouse pas tout ce qu'elle embrasse. Dans le ciel où se trouvent les idées et les premières formes des choses, n'y a-t-il pas des regards bienfaisants et des inclinations favorables, plutôt pour ceci que pour cela, d'où naissent sur la terre les prédestinés et les élus? N'y a-t-il pas une nation choisie qui a été préférée à toutes les autres nations? Elle a été nommée la part et l'héritage du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. » Dans la maison des patriarches, cette préférence est toujours tombée d'un côté à l'exclusion de tout le reste. Les cadets ont emporté le droit d'aînesse et les avantages de la nature ont fait place aux ordres de Dieu. Et quand le Fils de Dieu lui-même est venu au monde, outre les 72 disciples qui étaient de sa suite, et qui s'avouait à lui, il a appelé 12 apôtres pour lui rendre une plus particulière suggestion et être plus proche de sa personne. Entre ceux-là même, il y en a eu 3 à qui il s'est ouvert plus familièrement qu'aux autres. Il leur a montré des marques de sa divinité qu'il avait cachées à leurs compagnons. Il leur communiqua beaucoup de secrets de l'avenir, dans l'agitation de sa prochaine mort et parmi les inquiétudes de ses dernières pensées. Encore a-t-il témoigné plus de tendresse pour l'un des 3 que pour les 2 autres. Saint Jean ne fait point de difficulté de se nommer le cher et le favori de son maître. Il se glorifie partout de cette faveur, et il me semble qu'il en usa avec assez de liberté lorsqu'il s'endormit dans le sein d'un maître si grand et si redoutable. Considérez-le dans le tableau de la Sainte Seine, et voyez comme il repose sa tête négligemment sur un lieu où les séraphins portent leur regard avec révérence. Puis, donc, que l'auteur et le consommateur de la vertu, aussi bien que de la foi, a eu ses inclinations et ses amitiés, et n'a pas toujours voulu commander à la nature. Le prince ne doit point craindre d'aimer, après un exemple de telle autorité, qui lui en donne toute permission, et par les principes d'une plus sage philosophie que n'est celle de Zénon et de Chrysippe. Il peut être sensible sans qu'on le puisse dire intempérant. Il faut seulement que les mouvements de son âme soient justes et bien réglés, qu'il fasse du bien, mais qu'il garde la proportion et de la mesure en la distribution du bien qu'il fait, qu'il ne pousse pas incontinent dans le conseil ceux qui lui auront été agréables dans la conversation. Il doit faire différence entre les personnes qui plaisent et celles qui sont utiles, entre les recréations de son esprit et les nécessités de son état. Et s'il n'apporte une grande attention dans l'examen des différents sujets qu'il emploie, il fera des équivoques dont son siècle pâtira et qui lui seront reprochés par les siècles à venir. Les courtisans sont la matière et le prince est l'artisan qui peut bien rendre cette matière plus belle, mais non pas meilleure qu'elle n'est. Il peut y ajouter des couleurs et de la façon par le dessus, mais non pas lui donner d'aucune bonté intérieure. Il en peut faire une idole et un faux dieu, mais il n'en peut pas faire un esprit ni un habile homme. Il se voit de ses idoles en pays même de chrétienté. Il y a toujours eu d'indignes heureux, toujours des guenuches caressées dans le cabinet des rois et vêtues de toiles d'or. Il y a eu en Égypte des bêtes sur les autels. Il y a eu partout des défauts, des vices adorés. Ce que je m'en vais dire à votre Altesse, je l'ai appris d'elle. Et je le trouve digne de l'esprit de Marc Antonin, le philosophe. Ces grands, monseigneur, me font souvenir de certaines montagnes infructueuses que j'ai vues autrefois, allant par le monde. Elles ne produisent ni herbes ni plantes. Elles touchent le ciel et ne servent de rien à la terre. Leur stérilité fait maudire leur élévation. Ceux-ci, de même, ne sont pas moins inutiles qu'ils sont grands, et je les regarde comme de vaines montres du pouvoir et de la magnificence des rois. Comme des colosses qu'ils ont élevés et des pyramides qu'ils ont bâties. Ce sont des fardeaux et des empêchements de leur royaume qui pèsent sur toutes les parties de l'État. Ce sont des superfluités qui occupent plus de place que toutes les choses nécessaires. 60 ans à les considérer dans une faiblesse encore innocente, et avant qu'ils aient ajouté l'injustice à leurs actions, à l'indignité de leur personne. Voilà les beaux ouvrages de la fortune. Voilà les méprises et les extravagances de cette déesse, sans yeux et sans jugement, à qui Rome a donné tant de noms et a dédié tant d'hôtels. Vous avez bien ouï parler de quelques reines hypochondriaques qui ont eu de l'amour pour un daim, et pour un mort, voire pour un taureau, et pour un cheval. La fortune est à peu près de l'humeur de ces princesses mal sages. Elle choisit d'ordinaire le plus laid et le plus mal fait. En la demande de la préture, elle préfère les écrouelles de Valtinus à la vertu de Caton. Pour ne rien dire de pis, elle fait des profusions et ne paye pas ses dettes. Mais nous parlons d'un fantôme, lorsque nous parlons de la fortune. La force des astres et la nécessité du destin sont encore d'autres fantômes que l'opinion des hommes se forme et après lesquels je ne suis pas d'avis de courir. Cherchons quelque cause plus apparente de cette faveur qui semble n'avoir point de cause et voyons à peu près quelle est la naissance de cette mauvaise autorité. Ce que nous cherchons, serait-ce pas un transport de passion qui sort sans raisonnement de la partie animale et s'arrête au premier objet qui plaît et à la première satisfaction de la volonté? Serait-ce pas un jeu et une fantaisie de la puissance, un exercice et une occupation de la royauté qui prend plaisir à faire des choses étranges, à étonner le monde par des prodiges, à changer le destin des petits et des misérables, à peindre et adorer de la boue? N'est-ce point au contraire une erreur sérieuse et délibérée, une tromperie de bonne foi, faite à soi-même, par soi-même, aidée par l'imposture de l'apparence, déguise quelquefois les hommes de telle sorte qu'ils ne sont reconnaissables qu'à Dieu? Il est certain que le plus souvent, ils portent des marques si douteuses, et ce qui paraît d'eux est si faux, qu'il n'y a que celui qui les a fait, qui sache leur véritable prix. Mais les faits que nous avons tant de peine à tirer de l'obscurité des causes, ne serait-ce point un présent de l'occasion? Car d'ordinaire, elle offre aux princes des serviteurs. Elle les oblige à prendre ce qu'ils trouvent à leur main et ce qui leur passe devant les yeux. Leur impatience ne pouvant souffrir de retardement, et leur mollesse étant ennemie de toutes sortes de peines, pour s'épargner les longueurs de la recherche et les difficultés du choix, ils mettent en œuvre les instruments les plus proches et gardent, par coutume, ceux qu'ils n'avaient pris que par rencontre. Pour conclusion, cette faveur qui s'élève si haut sans avoir de fondement, ne serait-ce point plutôt un effet de l'amour-propre et une complaisance que personne ne refuse à ses opinions? Ne serait-ce point notre honneur que nous croyons engager dans la perfection de notre ouvrage? Ne serait-ce point un levain de cet orgueil naturel caché dans l'esprit des hommes et qui enfle particulièrement le cœur des rois quand il est question de maintenir une faute qu'ils ont faite et de ne pas avouer qu'ils peuvent faillir? Quoi que puisse être cette faveur, ce n'est point une créature de la vertu, non pas même de la vertu du sang. Le mérite n'y a point de part, non pas même le mérite de la race. Les avanchis de Claudius, les valets des enfants de Constantin, les gouverneurs des enfants de Théodose, les Eusèbes et les Eutropes ne sont point de légitimes favoris, et beaucoup moins de légitimes ministres. Et certes, j'ai pitié de l'Empire, et j'ai honte pour l'Empereur, quand je vois l'Empire et l'Empereur dans ses mains serviles, les mercenaires. Je vois avec horreur ces vilains spectacles des règnes infortunés, ces productions monstrueuses des mauvais temps, temps aveugles et pleins de ténèbres, malheureux en princes et stériles d'hommes. Et à votre avis, y a-t-il eu de solitaires si éloignés de la cour et prenant si peu de part aux choses du monde qui aient pu regarder, sans dépit, les choses tellement hors de leur place et le monde renversé de cette sorte? Y a-t-il eu de si tranquilles contemplatifs qui aient pu voir sans émotion des gens de néant s'emparer de la conduite des grands États et s'asseoir au timon, bien qu'ils ne dussent être qu'à la rame? Et cela s'est vu néanmoins, et assez souvent. Le consulat a été profané plus d'une fois par des personnes infâmes, et telles qui, sous un autre règne, eût été caché parmi le bagage, a eu le commandement de l'armée. Mais outre les Eusèbes et les Eutropes, l'histoire de l'Empire d'Orient ne manque pas de ces exemples honteux. Elle nous montre de misérables eunuques qui n'avaient appris qu'à peigner des femmes et à filer, érigés tout d'un coup en chefs de conseil et en capitaines généraux. Et d'autres histoires plus récentes nous produisent des barbiers, des tailleurs, des valets de chambre, changés du soir au matin en chambellan, en ambassadeurs, etc. Employés aux plus importantes négociations et aux plus illustres charges de leur pays. Ainsi, quoi que puisse dire notre homme, qui admire tant la cour et l'art de la cour, l'ignorance audacieuse a souvent présidé à la conduite des choses humaines, quoi qu'il jure qu'il a vu des rayons sur le visage de monsieur le duc. De cette fausse lumière est une bévue de ses yeux et une illusion de son esprit. Les sots ont souvent tenu la place des sages, et un temps a été où ceux qui devaient dicter des lois et prononcer les oracles ne savaient ni lire ni écrire. Ce n'est pas que leur sens commun fût plus net pour n'être employé d'aucune connaissance étrangère. Ils n'avaient ni les biens naturels ni les biens acquis. Ils avaient seulement ce qui suit d'ordinaire les biens naturels et les biens acquis. Je veux dire, la bonne opinion de soi-même, accompagnée du mépris d'autrui. Quoique ce ne soit pas la coutume de savoir les affaires par révélation, et qu'il faille les apprendre par expérience, ou devancer l'expérience par la force du raisonnement, ils se persuadaient que l'autorité suppléait à tout cela, et qu'immédiatement après leur promotion, Dieu était obligé de leur envoyer de l'esprit pour bien gouverner et de faire valoir l'élection du prince par la subite illumination de ses ministres. Il n'en va pas toutefois ainsi. C'est tout ce que Dieu a voulu faire pour les ministres de son fils unique, desquels nous avons dit quelque chose au commencement de ce discours. Par là, il s'est moqué de la superbe philosophie. Il a confondu la prudence humaine, prenant ses âmes neuves et grossières pour être les confidents de ses secrets, les remplissant beaucoup, comme dit un ancien chrétien, parce qu'il y trouva beaucoup de fuite. Il a tiré des cabanes et des boutiques ceux qu'il voulait faire rois et docteurs des nations. Il ne faut pas que les autres ignorants prétendent d'être éclairés de la sorte, et qu'au lieu de l'esprit de prophétie, de l'explication des Écritures et du don des langues, ils attendent du ciel la connaissance des choses passées, la pénétration dans celles de l'avenir, la lumière qui débrouille les intrigues de la cour, la science de faire la guerre et la dextérité de traiter la paix. Aussi, d'ordinaire, il réussissent mal en une profession qu'ils n'ont point apprise, et dans l'exercice de laquelle ils se sont jetés indiscrètement, sans y apporter aucune préparation de discipline, sans faire aucun fond d'expérience, sans connaître les premiers éléments de la sagesse civile. Il faut de l'adresse et de la méthode pour conduire un bateau et pour mener un chariot. Il faut avoir appris les chemins pour pouvoir servir de guide. J'ai vu des règles et des préceptes pour se bien acquitter de la charge de portier et de celle de concierge, quoique ce soit deux métiers qui ne sont pas extrêmement difficiles. Il faut donc apprendre tous les métiers, étudier tous les arts, jusqu'aux moindres et aux plus aisés. Et celui de conduire le genre humain n'aura point besoin d'instruction. On gouvernera le monde au hasard et à l'aventure. On jouera à 3D, le salut des peuples et des royaumes. C'est bien tenir indignement la place de Dieu. C'est bien faire le phaéton ce monde et dispenser inégalement la lumière et la chaleur sur la face de la terre. C'est courir fortune d'embrûler une partie et de laisser geler l'autre. Les favoris ignorants courent chaque jour cette fortune et sont en ce perpétuel danger. Je dis de se perdre et de perdre leur pays, lors même qu'ils ont raffiné leur ignorance par l'usage de la cour, et que deux ou trois bons succès qui viennent de la pure libéralité de Dieu leur donnent bonne opinion d'eux-mêmes et leur font à croire qu'ils ont fait le bien qu'ils ont reçu. Toutes leurs actions sont alors des contretemps, sont de fausses mesures, d'une fausse règle. Au lieu de se savoir arrêter à ce point de l'occasion, si recherché par les sages et si nécessaire pour la perfection des affaires, ils vont toujours devant ou après, ou ils le passent ou n'y arrivent pas. Aujourd'hui, ils déclarent la guerre, par colère. Demain, ils demandent la paix, par lâcheté. Ils flattent les ennemis naturels de la patrie et offensent les anciens alliés de la couronne. En Espagne, ils voudraient donner liberté de conscience. En France, ils voudraient introduire l'Inquisition. La frontière est nue et désarmée, et ils fortifient le cœur de l'État. Il leur prend envie de raser la citadelle d'Amiens et d'en bâtir une à Orléans. Mais les élections qu'ils font des autres sont bien dignes de celle qui a été faite d'eux. Pour l'ambassade de Rome, ils proposent au prince un bon capitaine de chevaux légers et qui s'est signalé en plusieurs combats à leur recommandation. On met dans les finances un vieux prodige qui, en sa jeunesse, a fait cession de biens, mais qui parle admirablement de l'économie. Il demande la première charge de la justice pour un homme véritablement de robe longue, mais célèbre par le peu de connaissances qu'il a des lettres, mais de la classe de celui que nos pères virent à Paris quand les ambassadeurs de Pologne y arrivèrent. Ils firent à cet homme leurs compliments en latin, et il les pria de l'excuser s'il ne leur répondait pas, parce qu'il n'avait jamais eu la curiosité d'apprendre le polonais. « Vous souriez, monseigneur, et vous vous étonnez de la grande littérature de cet homme de robe longue. » Il faisait bien d'autres équivoques, et on en compte quelques-uns qui ne me semblent pas malplaisants. Ce fut lui qui crut que Sénèque était un docteur de droit canon, et que dans ses livres des bénéfices, il avait traité à plein fond des matières bénéficiales. Un de ce temps-là lui fit à croire que la Morée était le pays des morts, et il n'est rien de si vrai qu'il chercha dans la carte un jour tout entier la démocratie et l'aristocratie, pensant les y trouver comme la Dalmatie et la Croatie. Il fait bon être savant sous ces règnes-là, et les muses ont beaucoup à espérer de la protection de pareils ministres. Mais passons outre, et ne considérons point l'intérêt des muses, dont le destin est d'être pauvres et maltraités, sous toutes sortes de règnes, et par toutes sortes de ministres. Ceux-ci se connaissent en hommes et en affaires, comme vous voyez. Après avoir dissipé le revenu de l'État, en des dépenses mauvaises ou ridicules, afin de paraître bon ménager, ils espèrent une occasion importante, faute de 50 écus qu'ils ne veulent pas qu'on baille pour faire partir un courrier express. Ils attendent le jour de l'ordinaire et s'imaginent que l'occasion attendra, aussi bien qu'eux. Un docteur politique qui les a sifflés et qui leur a mis dans la tête 5 ou 6 mots de notre Tacite pour les alléguer 100 fois le jour. Sur toute chose, leur a recommandé le secret et la dissimulation. Cette leçon faite, ils font mystère de tout. Ils ne s'expliquent que par des clins d'œil et par des mouvements de tête. Au moins, ils ne parlent plus qu'à l'oreille, non pas même quand ils louent leur maître et qu'ils disent que c'est le plus grand prince de la terre. Cette religion du silence est passée dans leur esprit jusqu'à une telle superstition qu'ils font scrupule de donner les ordres nécessaires à ceux qui les doivent exécuter, tant ils ont peur de découvrir ce qui a été résolu au conseil. Ils écoutent attentivement un alchimiste qui leur promet des montagnes d'or. Ils reçoivent à bras ouverts un banni qui leur fait aiser la conquête de son pays. Et se reposant sur la foi de l'un et de l'autre, ils s'embarquent dans une grande entreprise et commencent une grosse guerre dont ils sont là dès le second jour. Ils font mille autres choses semblables. Et si ces exemples ne sont de ce siècle, ils sont des siècles passés. S'il n'y a pas eu en France et en Allemagne de ces ignorants présomptueux, de ces ridicules tout-puissants, il y en a eu en Espagne, en Italie. La misère du temps, il vaut mieux accuser le temps que le prince. Cette misère publique qui fait faire de la monnaie de fer et de cuir, qui a donné du prix aux plus viles choses, a mis aussi en usage ces gens-là, et les a introduits dans le cabinet des rois, où ils ont traîné avec eux toutes les ordures de leur naissance, et toutes les habitudes vicieuses dont les âmes serviles sont capables. Car c'est ici un chapitre de leur histoire que nous ne devons pas oublier, et il est certain que leur innocence n'a guère plus duré à la cour que celle du premier homme dans le paradis terrestre. D'abord, quoique peut-être ils ne fussent pas assez méchants, ils ont cru qu'il fallait le devenir, et se sont défaits de leur conscience pour travailler avec moins d'empêchement aux affaires de l'État. Ils ont pensé d'ailleurs que l'orgueil était bien séant, la dignité, que s'ils paraissaient les mêmes qu'auparavant, leurs conditions ne seraient pas tout à fait changées, et que la courtoisie les remettrait dans l'égalité de laquelle ils s'étaient tirés avec tant de peine. Ainsi, ils n'ont point appréhendé de tomber dans la haine pour éviter le mépris. Ils se sont fait craindre, ne pouvant se faire respecter. Ils ont estimé qu'il n'y avait point de moyen d'effacer la mémoire de leur ancienne bassesse que par l'objet présent de leur tyrannie, ni d'empêcher le peuple de rire de leurs infirmités quand l'occupant a pleuré ses propres maux et a se plaint de leur cruauté. Avec ces belles maximes et cette antipolitique que je vous ai un peu ébauchée, ils ont gouverné le monde. Mais ils l'ont gouverné d'une étrange sorte. Ils ont renversé ceux qu'ils voulaient soutenir. Ils ont rompu ceux qu'ils avaient dessein de nouer. Ils ont fait autant de ruines qu'ils désiraient faire d'établissements. Ils ont gâté autant de choses qu'ils en ont manié. Les chutes des princes et les pertes des États ont été le succès de leur administration. S'étant saisis de la puissance souveraine, je les considère des rechefs dans leur innocente infirmité. Ils en ont usé, comme les enfants se servent de leur couteau, qui s'en blessent le plus souvent et en offensent leur mère et leur nourrice, que si la témérité de ces gens-là n'a pas toujours été malheureuse. S'ils sont arrivés au port tenant une route qui apparemment les en éloignait, car il est certain qu'ils se voient de ces miracles, et j'en connais quelques-uns qui se sont sauvés par des actions qui les devaient perdre. Il ne faut pas se fier pourtant à cette félicité aveugle qui les a guidés. Il faut les regarder comme des personnes transportées d'une violente imagination, qui passent les rivières en dormant, sans savoir nager, et courent par les précipices sans faire un faux pas. Il faut les admirer comme des bêtes divines, et ne pas les imiter comme des personnes raisonnables. Je tiens ce mot du bonhomme Alexandre Piccolomini, lorsque je le fus voir passant à Sienne, et que je le trouvais sur le lit vert dont parle Monsieur de Thou. Si vous êtes jamais favori, avec la permission de son Altesse, j'adressais ma parole à ces deux jeunes gentilshommes qui m'écoutent. Ne vous proposez point de pareils exemples. Ils sont très dangereux, quoiqu'ils soient très éclatants. Ce sont des flambeaux allumés sur les écueils. Ils font faire naufrage aux nouveaux pilotes. Ce sont des adresses qui mènent à la mort, ceux qui les suivent, qui ne servent qu'à piper la postérité, qu'à apprendre aux hommes à faillir, qu'à donner du décrédit de la réputation à l'imprudent. Discours numéro 3. Comme ceux que nous laissâmes hier manquent de la capacité requise et ont l'intelligence fort courte et fort limitée, il s'en trouve d'autres qui l'ont trop vague et trop étendue et qui raisonnent avec excès. Je parle de ces spéculatifs qui visent d'ordinaire au-delà du but, qui quittent les chemins pour prendre les routes, qui s'égarent pour arriver plus tôt où ils vont. Appelons-les, s'il vous plaît, des tireurs d'essence. Ils mettent leurs avis à l'alambic et les réduisent à néant à force de les subtiliser. Ils évaporent en fumée les plus solides affaires. Disons que ce sont des hérétiques d'État qui veulent faire dans la politique ce qu'Origène a fait dans la religion. Ils suivent les ombres et les images des choses au lieu de s'attacher à leur corps et à leur réalité. ils embrassent la vraisemblance, parce qu'ils l'ont peinte et embellie à leur mode. Mais ils rejettent la vérité, à cause qu'elle n'est pas de leur invention et qu'elle a son fondement en elle-même. Ces messieurs se figurent que, partout, il y a du dessein et de la finesse, et que toutes les actions des hommes sont méditées. Rien ne leur passe devant les yeux dont ils ne cherchent le sens mystique et l'allégorique. Ils ne s'arrêtent jamais à la lettre, ces subtils interprètes des pensées d'autrui. Et quand deux princes s'attaquent de toute leur force et de toute la puissance de leurs états, ils croient qu'ils entendent ensemble pour tromper les autres princes. Ils font des jugements presque aussi plaisants que ceux qui disaient à Athènes « On voit par ce mauvais mot jusque où peut aller la mauvaise subtilité et quel est l'esprit de la Grèce et de ses spéculatifs. » Mais il y a eu des spéculatifs en tout pays. Il y a toujours eu des alchimistes et des souffleurs qui ont distillé les choses humaines, qui ont donné plus de liberté qu'ils ne devaient à leurs conjectures et à leurs soupçons. Parce que Junius Brutus contrefit le sceau, ils ont eu de la défiance de tous les sceaux. Ils se sont figurés que tous les niais imitaient Brutus, que la simplicité apparente était un artifice caché, que ceux qui ne savaient rien dissimulaient leur science, que le silence de ceux qui ne disaient mot couvrait de dangereuses pensées. C'était l'opinion qu'avoir un prince romain d'un certain imbécile de son temps, que les pages sifflaient et que personne n'estimait que lui. L'histoire rapporte qu'il en appréhendait les vertus secrètes et que les mépris universels de la cour et 25 ans d'impertinence, ou faites ou dites à la face du grand monde, ne l'avaient pu assurer de cet homme-là. Du même principe de fausse subtilité sont nées ces visions que notre homme trouve si ingénieuses et qui me semblent si ridicules, que les docteurs admirent et que je n'ai pu souffrir. En cet endroit, Aristippe, adressant sa parole aux deux gentilshommes qui l'écoutaient, « Pensez-vous, leur dit-il, comme ces docteurs subtils, qu'Hannibal ne voulut pas prendre Rome, de peur de n'être plus utile à Carthage, et de se voir obligé, par là, à finir la guerre qu'il avait dessein de perpétuer ? À votre avis, Auguste, choisit-il Tibère pour son successeur, afin de se faire regretter et rechercher de la gloire après sa mort, par la comparaison d'une vie qui devait être si différente de la sienne ? Vous imaginez-vous que le conseil qu'on trouva dans ses mémoires de mettre des bornes à l'Empire fut un effet de son envie contre sa postérité ? Avait-il peur qu'un jour un autre homme fût plus grand seigneur que lui et commandât plus de sujets ? Est-il croyable que le même Auguste ne faisait l'amour que par maxime d'État et ne voyait les dames de Rome que pour apprendre le secret de leur mari ? Y a-t-il de l'apparence que son âme ne se remua que par règle et par compas, que toutes ses actions fussent si guindées et tous ses vices si étudiés ? À mon avis, c'est faire le monde plus fin qu'il n'est. C'est interpréter les princes, comme quelques grammairiens expliquent Homère. Ils y trouvent ce qui n'y est pas, et l'accusent d'être philosophe et médecin, en des endroits où il n'est que faiseur de contes et de chansons. Contentons-nous de quelquefois du sens littéral. Ne cherchons pas un sacrement sous chaque syllabe et sous chaque point. Ne soyons pas si indulgents à notre esprit, ni si curieux dans celui d'autrui. Il ne faut pas l'équerrir si loin la vérité, ni prendre les choses si haut. Il ne faut pas rapporter à des causes reculées, au conseil du siècle passé, des succès ou arrivés fortuitement, ou à qui une légère occasion leur a donné lieu. Les stoïques n'ont pas voulu qu'une feuille d'arbre se remuât sans ordre particulier de la Providence, ni que le sage leva le doigt sans congé de la philosophie, et ne jugeait pas plus avantageusement de Dieu et de la personne plus proche de Dieu que ces raffineurs présument d'un homme qui est souvent moins que médiocre et qui n'a que le quart ou la moitié de la partie raisonnable, qui de sa vie ne songea à être sage ni à s'approcher de Dieu. Il n'y a point de moyen qu'ils ajustent leur opinion à notre commune capacité. Ils ne peuvent descendre jusque à nous. Dans le jugement qu'ils font des hommes, ils ne peuvent présupposer une infirmité humaine, c'est-à-dire un principe d'erreurs et de fautes, une maladie de la naissance, de laquelle Alexandre et César ne sont pas exempts, un défaut qui traîne après soi tant d'autres défauts en la personne des plus parfaits, en la conduite des plus sages, et en celle de Salomon même, si vous le voulez. Les grands événements ne sont pas toujours produits par les grandes causes. Les ressorts sont cachés et les machines paraissent. Et quand on vient à découvrir ces ressorts, on s'étonne de les voir si faibles et si petits. On a honte de la haute opinion qu'on en avait eue. Une jalousie d'amour entre des personnes particulières a été la matière d'une guerre générale. Des noms baillés ou pris par hasard, les verts et les rouges des jeux du cirque ont formé les partis et les factions qui ont déchiré l'Empire. Le mot ou le corps d'une devise, la façon d'une ivrée, le rapport d'un domestique, un conte fait au coucher du roi, ne sont rien d'apparence. Et par ce rien commencent les tragédies, dans lesquelles on versera tant de sang et on verra sauter tant de têtes. Ce n'est qu'un nuage qui passe et une tache en un coin de l'air qui s'y perd plus tôt qu'elle ne s'y arrête. Et néanmoins, c'est cette légère vapeur, c'est cette nuée presque imperceptible qui excitera les fatales tempêtes que les États sentiront et qui ébranlera le monde jusqu'au fondement. On s'est imaginé autrefois que c'étaient les intérêts des maîtres qui mettaient en feu toute la terre et c'étaient les passions des valets. Je ne doute point que le roi de Perse ne prit des prétextes très spécieux pour justifier ses armes quand il vint en Grèce et que ses manifestes ne disent merveille de ses intentions. Il ne manqua pas de prétentions ni de droits, et n'oublia pas que le grand roi ne venait que pour châtier les petits tyrans, et qu'il apportait au peuple une riche et abondante liberté, au lieu de leur maigre et stérile servitude. Il facilifia son dessein en plusieurs autres façons, et jura peut-être que ce dessein lui avait été inspiré immédiatement des dieux immortels, et que le soleil en était le premier auteur. Cependant, quelques manifestes qu'il fit voler, et quelques couleurs de justice et de religion qu'il donna à son entreprise, voici la vérité de la chose. Un médecin grec, domestique de la reine, ayant envie de revoir le port de Pirée et de manger des figues d'Athènes, mit cette fantaisie de guerre dans la tête de sa maîtresse et la porta à y faire résoudre son mari. Si bien que le roi des rois, le puissant et redoutable Xerxès, ne leva une armée de 300 000 combattants, ne coupa les montagnes, ne tarit les rivières, ne combla la mer, que pour conduire un charlatan à son pays. Il me semble que ce galant homme pouvait bien faire son voyage à moindre frais, et en plus petite compagnie. Mais il me vient de souvenir, monseigneur, d'une autre chose qui mérite d'être sue, et que vous ne trouverez pas mal plaisante. Elle arriva au royaume de Macédoine, plus de 80 ans, devant la naissance du roi Philippe. Au temps de cette fameuse conjuration, qui donnait tant en fille d'eux, et qui partagea la cour, les villes et les familles. Ce fut la femme de Méléagre, gouverneur d'une place frontière et général de la cavalerie, qui jeta son mari dans la révolte, et certes pour un fort digne sujet. Sur le rapport qui fut fait au roi de l'esprit et de la galanterie de cette femme, il eut pris envie de la voir un jour en particulier. Il ne lui fut pas difficile d'obtenir d'elle une faveur qu'elle accordait aisément à de moins grands seigneurs et de moins honnêtes gens que lui. Elle n'avait pas accoutumé de lasser la constance de ses amants, ni de faire mourir personne au désespoir. Le roi, s'étant donc rendu à l'assignation qu'elle lui donna, et par malheur ne l'ayant pas trouvée telle qu'il se l'était figurée, il lui témoigna d'abord son dégoût, et se sépara d'elle presque aussitôt, avec peu de satisfaction. Cet affront fut senti si vivement par celle qui le reçut, et qui n'avait pas mauvaise opinion de son mérite, qu'elle protesta à l'heure même de s'en venger, et ne le pouvant mieux faire qu'en corrompant la fidélité de son mari et le débauchant du service de son maître, elle usa pour cela de tous les charmes de son esprit et de son visage. Elle employa sur une âme crédule les plus subtiles inventions dont est capable une âme artificieuse, et ne doutait point que dans la chaleur de sa vengeance, elle n'eût voulu avoir une infinité de maris pour faire une infinité d'ennemis au roi et pour tirer raison avec plus d'épée de l'offense qu'elle croyait en avoir reçue. Ainsi Méléagre quitta le service du roi et s'embarqua dans le parti du tyran, sans savoir par quel mouvement il y était poussé, ni quelle passion il vengeait. Il jouait un personnage qui n'entendait point. Il était le soldat de sa femme, et pensait être un des principaux chefs de la ligue. Par là on peut voir qu'il est aisé de se tromper dans le jugement qu'on fait des actions des hommes, puisque les hommes mêmes qui les font, ils sont les premiers trompés, puisqu'ils n'en savent pas toujours la vraie cause. Ils sont souvent instruments aveugles et sans connaissance de l'intérêt ou de la passion d'autrui. Les spéculatifs de la Macédoine ne manqueront pas de publier de plausibles et de spécieuses raisons de la révolte de Mélagre. Les uns dirent qu'un reproche que le roi lui avait fait en présence des ambassadeurs de Thessalie lui entra si avant dans le cœur et y fit une si profonde plaie qu'il ne put jamais en guérir, que les caresses et les faveurs qu'il reçut depuis cela furent d'inutiles appareils sur ce cœur blessé, et que la mémoire d'une injure lui ôta le sentiment de mille bienfaits. D'autres alléguèrent le refus d'une charge qu'il avait demandée pour son fils, et que véritablement on ne donna pas un autre, mais qui fut supprimée, afin qu'elle n'entrât pas en sa maison. Il y en eut qui excusèrent son changement sur l'amour de la patrie et sur le zèle de l'ancienne religion, de laquelle le tyran prenait le prétexte pour faire la guerre au roi. Tous les historiens exercèrent là-dessus leur subtilité, et tous furent subtils et ingénieux à faux. Ils cherchèrent la source du mal, qui d'un côté, qui d'un autre, et pas un ne la trouva. Pas un ne parla du dépit de la femme de Médéac, qui fut la seule cause de la défection de son mari, et qu'on ne découvrit qu'en un autre siècle, et longtemps après la mort du roi, du tyran et de Médéagre. Ces deux courses que nous avons faites en Grèce et en Macédoine étaient sur notre chemin, et je veux croire qu'elles n'auront pas été désagréables à votre Altesse. Mais je crois de plus qu'elle juge aussi bien que moi qu'il vaut encore mieux débiter des visions dans l'histoire que dans le conseil, et que la mauvaise subtilité est moins dangereuse quand on raconte des choses faites que quand on délibère des choses à faire. Et si, pour ne rien dire de pire, elle est cause que les choses ne se font point. Les gens d'Athènes sont trop habiles pour tromper les gens de Thèbes. Ceux-là tendent leur filet si haut, et ceux-ci volent si bas, qu'il faudrait qu'ils fissent un effort pour y être pris. Je dis davantage. Les Athéniens emploient quelquefois leur finesse à s'en faire accroire et à se tromper eux-mêmes. De leurs faux principes, ils ne peuvent tirer que de fausses conclusions, et n'ont garde de négocier heureusement, ni d'amener jamais leurs adversaires de leur côté, se tenant toujours en des termes si éloignés d'eux, et s'en approchant si peu que, bien loin de se pouvoir joindre, ils ne se peuvent pas reconnaître. Il est malaisé d'ouïr de plus beaux parleurs et de voir mieux débattre des opinions, mais aussi n'en demandez pas davantage. Ils mettent en cela tous leurs soins et toute leur industrie. Ils y apportent autant d'études que si le discours était la principale fin de la délibération, et quelque chose de plus que l'action même. Ils aimeraient mieux faire paraître leur éloquence en perdant l'état que de le conserver sans dire mot. Ils estiment que c'est bien davantage d'emporter le dessus au conseil sur leurs compagnons que de battre à la campagne les ennemis. Si bien qu'ils comptent, quasi pour rien, les disgrâces de la guerre, espérant toujours d'en avoir leur revanche au premier traité. Et là, néanmoins, ils rencontreront quelque esprit de fer, incapable de persuasion, qui coupera ce qui ne pourra défaire, et, par une ferme et constante négative, brisera tous leurs filets, toutes leurs ruses, sans prendre la peine de les démêler. Témoin ce gouverneur de Figeac, qui se trouva à une conférence qu'eut la reine Catherine avec les députés du roi de Navarre et du parti huguenot. C'était pour leur faire quitter, devant le temps accordé, les places de sûreté qui leur avaient été mises entre les mains. Elle avait amené de Paris un homme tout-puissant en parole et à la rhétorique duquel rien n'avait été impossible jusqu'alors. D'abord, il se fit admirer à l'Assemblée, il excita ensuite de plus douces passions dans le cœur des députés. Après avoir vaincu leur esprit, il gagna leur volonté. Et déjà, les plus défiants avaient oublié le massacre et ne voulaient plus de place de sûreté. On se contentait de la parole du roi et le traité s'allait conclure à la satisfaction de la reine. En un moment, tout son travail fut gâté et toute l'éloquence de son orateur renversée par la brusque réponse que lui fit le gouverneur de Figeac. Cette princesse s'étant adressée à lui avec une mine de triomphante et lui ayant demandé, plutôt pour couronner une chose faite et avoir des applaudissements que pensant avoir besoin de son opinion, ce qui lui semblait de la harangue qu'il avait ouï. « Madame, lui répondit-il avec une parole si forte qu'elle cassa les articles du traité à demi conclu. Il me semble que monsieur que voilà a bien étudié, mais mes compagnons ni moi ne sommes pas d'avis de payer ses études de nos têtes. Ce monsieur néanmoins, dont je vous parlerai une autre fois, était un très habile négociateur. Il avait réussi ailleurs très heureusement, et quoiqu'il régnât en l'art de bien dire, il n'était pas pourtant de nos gens qui ne savent que parler. Il faisait servir cette science à une meilleure, et ne préférait pas, comme eux, la gloire de son esprit au bien du service de son maître. Nos gens, en effet, sont plutôt déclamateurs que ministres, plutôt sophistes que conseillers, et ne sont point si fâchés du mauvais succès des affaires qu'ils sont aises de l'honneur qui leur revient d'avoir bien harangué sur chaque proposition débattue et de s'être fait admirer aux députés et assemblées. Leur vanité les console aisément de leur malheur. Cela leur est assez de traiter le genre délibératif selon les préceptes de Quintilien et de savoir manier les choses par tous les endroits que montre Aristote. Voilà la borne de leur ambition. Et ils sont satisfaits, sinon point péché, contre les règles de l'art. Et je les trouve en cela semblable à un médecin de Milan que j'ai connu à Padoue. Cet homme, content de la possession de sa science, et, comme il parlait, de la jouissance de la vérité, ne cherchait point particulièrement dans la médecine la guérison des malades. Il se glorifiait même une fois d'en avoir tué un avec lui la plus belle méthode du monde. Dans les affaires aisées, il sème des épines pour les cueillir. Dans la moindre occurrence qui se présente, ils font naître mille difficultés. Ils trouvent autant d'expédients et ne forment le plus souvent aucune résolution. Le grand nombre des choses qu'ils voient en chaque sujet leur ôtant la liberté du choix et l'abondance les rendant pauvres. Ils s'embarrassent dans la multitude de leurs raisons et s'arrêtent d'ordinaire à la plus mauvaise. Et voici pourquoi. C'est parce que la plus mauvaise est le dernier effort de leur imagination déjà lasse et que l'ayant été cherchée hors du sens commun, qui est déjà épuisé, il semble qu'elle soit plus à eux que les autres, qui sont tirés de cette source publique ou qu'ils ont prise de l'expérience à ce compte-là. La bonne chose que c'est, que cette sobriété de savoir et de connaître, si estimée par les lettres saintes. Avouons-le, à la honte de la raison humaine et de la subtilité des sophistes, un grand esprit tout seul est un grand instrument à faire des fautes. Et si le jugement nécessaire ne l'appesantit et ne l'émousse pour l'assujettir à l'usage, et l'accommoder à l'exemple et à la pratique, sans doute cette vivacité impénétrante sera beaucoup plus propre à agiter des questions de métaphysique qu'à donner de bons conseils, qu'à bien entreprendre et qu'à bien agir. En effet, les actions humaines veulent être maniées humainement, c'est-à-dire par des moyens possibles et familiers, d'une façon qui tienne du corps comme de l'esprit, avec des raisons qui tombent quelquefois sous les sens et ne demeurent pas toujours dans la haute région de l'âme. Les raffineurs qui agissent autrement sont bons à troubler les négociations et ne valent rien à conclure des affaires. Ce sont d'excellents brouillons pour remuer un État et de mauvais ministres pour le gouverner. Ils réussissent dans le désordre et comme les démons de l'air, ils se mêlent parmi le tonnerre. Mais ils n'ont plus de force, sitôt que le calme est venu, et cette pointe qui nous éblouit n'était qu'une lumière d'éclair. Il est très dangereux de prendre une pareille adresse dans la variété des accidents et dans les divers détours de la vie civile. Mais quand ce serait une véritable et continuelle lumière de laquelle ils seraient guidés, quand ce serait le soleil lui-même qui les conduirait, ce n'est pas à dire qu'ils trouvassent toujours la fin qu'ils cherchent et qu'ils arrivassent où ils vont. Et de cela, monseigneur, j'aurais encore quelque chose à dire si le bruit d'un carrosse et de plusieurs voix que je viens d'ouïr ne m'avertissait que voici l'heure de l'audience que M. le duc d'Épernon a envoyé demander à votre Altesse.